1 Thessaloniciens chapitre 3. C'est pourquoi, ne pouvant plus soutenir la privation de vos nouvelles, nous avons trouvé bon de demeurer seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre en l'évangile de Christ, pour vous affermir, et vous exhorter touchant votre foi, afin que nul ne soit troublé dans ses afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car quand nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pourquoi, dis-je, ne pouvant plus soutenir cette inquiétude, j'ai envoyé Timothée pour reconnaître l'état de votre foi, de peur que celui qui tente, ne vous eût tenté en quelque sorte, et que notre travail ne fût rendu inutile. Or Timothée étant revenu depuis peu de chez vous, il nous a apporté d'agréables nouvelles de votre foi et de votre charité, et que vous vous souvenez toujours de nous, désirant fort de nous voir, comme nous aussi, nous désirons de vous voir. C'est pourquoi, mes frères, vous nous avez été en grande consolation à cause de votre foi, dans toute notre affliction et dans notre nécessité. Car maintenant nous vivons, si vous vous tenez ferme au Seigneur. Et quelles actions de grâce n'avons-nous point à rendre à Dieu à cause de vous, pour toute la joie que nous recevons de vous, devant notre Dieu, le priant jour et nuit, de plus en plus, que nous puissions vous revoir, afin de suppléer à ce qui manque à votre foi. Or notre Dieu et notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, veuille nous ouvrir le chemin pour nous rendre auprès de vous, et le Seigneur vous fasse croître et abonder de plus en plus en charité les uns envers les autres, et envers tous, comme nous abondons aussi en charité envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté, devant Dieu qui est notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints.